Et en parlant de se faire du bien, ben nous, on va un petit peu lancer le début de cette émission avec plein de choses hyper intéressantes à partager. Hyper intéressantes voilà. Aujourd'hui. On peut peut-être commencer par une petite bof nouvelle, comme ça on se met ça... On se met bien direct. On se met bien ou on arrête de se mettre mal, on se met bof, voilà. Alors la bof nouvelle du jour, c'est... lié à un fruit très populaire en Suisse, l'avocat. Et enfin, l'avocat qui est l'avocat est très populaire, autant il est toujours malmené dans les médias. Et là, on nous dit de nouveau, la culture des avocats menace les réserves d'eau, cette fois-ci en Andalousie. Voilà. Et on dit donc, voilà, la Suisse importe de plus en plus d'avocats d'Espagne, donc c'est quelque part, c'est un peu mieux que de les faire venir de l'autre bout du monde. Mais ou d'Israël la aussi, voilà. On peut le dire. Oui, mais aussi de plus loin, de les faire voyager par bateau et tout ça. Mais la production de ce super aliment, parce qu'il s'agit d'un super aliment très prisé, consomme des quantités d'eau considérables, près de 6000 litres par hectare. Voilà, et donc ça pose un petit peu un problème dans les régions où le fruit pousse, où le fruit se produit, l'arbre pousse plutôt facilement. C'est aussi des régions où l'eau vient de plus en plus à manquer. Donc voilà, il ne s'agit pas d'y penser à chaque fois que vous faites un avocado toast ou quelque chose comme ça, mais... D'y faire attention. Même si moi aussi j'adore les avocats. Oui, mais vous pouvez aussi privilégier le toast à la patate, par exemple, qui est une alternative locale tout à fait satisfaisante. Oui, c'est tout pareil. Hein. Oui, c'est tout pareil. Tout aussi gustatif. Oui, il y a juste la couleur qui change un peu, mais voilà. Mais la texture est la même. La texture est à peu près la même. Et la satisfaction aussi à peu près la même. C'est juste que c'est pas... C'est un peu bof de dire patate, voilà. Et, voilà. Et de bof à bof, ben on se retourne sur nos pattes et puis on passe à la suite.